Voi, le point de départ, c'est l'infinitif. Donc, si vous vouliez dire par exemple « Pourquoi ne me parlez-vous pas ?» et que vous vous adressiez à plusieurs personnes, qu'est-ce que ça donnerait ? Perché non mi parlate ? Perché non mi parlate ? Oui, c'est ça. Et toujours avec « voi », comment diriez-vous « Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire ?» Perché non lo potete ? Perché non lo potete faire ? Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire ? Perché non lo potete farlo ? Là, vous avez dit deux fois le mot « le ». Ah, pardon. Perché non potete farlo ? Perché non potete farlo ? Ou alors ? Perché non lo potete fare ? Perché non lo potete fare ? Et maintenant, vous allez demander pourquoi ne peuvent-ils pas le faire ? Perché non lo... Pourquoi ne peuvent-ils pas le faire ? Perché non possono farlo ? C'est ça. Ou alors, perché non lo possono fare ? Tout à fait. Perché non possono farlo ? Ou perché non lo possono fare ? Comment diriez-vous maintenant ? Pourquoi ne le font-ils pas ? Le « il » pluriel du verbe « faire »,« fare » se forme comme celui de « avere » ou « dare », c'est-à-dire ? Fanno ? Oui, c'est ça, « fanno ». Et donc, « pourquoi ne le font-ils pas ?» va donner ? Perché non lo fanno ? Perché non lo fanno ? Oui. Comment direz-vous ? Pourquoi ne le faites-vous pas, monsieur ? Perché non fa, signore ? Pourquoi ne le faites-vous pas ? Perché non lo fa, signore ? Perché non lo fa, signore ? Et si vous tutoyez cette personne, pourquoi ne le fais-tu pas ? Comment diriez-vous ça ? Perché non lo fai ? Perché non lo fai ? Dites-moi maintenant, pourquoi ne le faites-vous pas ? Voi. Perché non lo fate ? Perché non lo fate ? C'est ça. Et pourquoi ne me le dites-vous pas ? Voi. Qu'est-ce que ça donne ? Perché ? Bon, le présent pour la forme voi se forme à partir de l'infinitif. Exact. Quel est l'infinitif dans notre exemple ? Dire. Donc, vous changez le R en T et ça donne dite. Très bien. Alors, reprenons notre phrase. Pourquoi ne me le dites-vous pas ? Perché non me lo dite ? Voilà. Perché non me lo dite ? Dites maintenant pourquoi ne le faites-vous pas ? Toujours avec voi. Perché non lo fate ? Perché non lo fate ? C'est ça. Dites-moi cette autre phrase. Pourquoi ne voulez-vous pas le faire ? Toujours avec voi. Perché non volete... Perché non volete... Farlo ? Perché non volete farlo ? Comment diriez-vous ? Pourquoi ne pouvez-vous pas me le dire maintenant ? Perché non me lo dite ora ? Votre phrase est correcte, mais elle veut dire « Pourquoi ne me le dites-vous pas maintenant ?» alors que je vous ai demandé « Pourquoi ne pouvez-vous pas me le dire maintenant ?» Ah, perché non me lo potete dire ora ? Bien, perché non me lo potete dire ora ? Ou bien, perché non potete dirmelo ora ? Perché non potete dirmelo ora ?